On va parler de football. En fin de semaine, c'était un match historique, le retour de Tom Brady à Foxborough. Il y avait un Québécois qui était sur place, Martin Massé, qui est probablement le plus gros fan des Pats. Je pensais que c'était moi, mais c'est un gars de la région de Montréal qui s'est rendu à Foxborough par ses moyens en avion. On va lui parler. Salut Martin. Salut Danny, comment ça Ça va? va bien, ça va bien. J'imagine que tu as vécu un beau trip. C'est historique ce que tu as vécu là. Tom Brady, le retour de Tom Brady à Foxborough. Je t'ai entendu sur les ondes du 91.9, du 98.5 en fin de semaine. Quand tu étais passé au 91.9, tu t'apprêtais à faire un tailgate party. Comment ça a été dans le fond? Écoute, un week-end de rêve, mon chum. Comme tu sais, tu as entendu aux autres stations, Ouais. j'ai un billet de saison depuis plusieurs années aux Patriotes. J'ai été sur la liste d'attente une douzaine d'années avant de Ok, les monsieur, ok. avoir. Puis c'est ça, quand Brady a signé avec les Bucks en mars 2020, c'est que ça me revirait à l'envers, mon chum. Là, je vais rester toujours un Pat, mais écoute, Brady, c'est mon idole. J'étais sur le côté des Patriotes cette journée-là. Quand j'ai vu en février 2020, en mars 2020, quand j'ai signé, j'étais tout de suite voir les match-ups des prochaines années. Puis en 2021, ça donnait que les Bucks revenaient jouer à Foxborough. Donc, trip de fou. Ça a été, écoute, c'est sûr que c'est compliqué en pandémie, là. Ça a aucun bon sens. Tu vois, moi, j'ai quand au mois d'août, 21 août, quand le bonhomme Arruda, ils ont poussé les douanes là, au 21 septembre, pas Arruda, aux États-Unis. Biden. Joe Biden a repoussé ça pour le 21. J'ai acheté mes billets d'avion le 21 août pour Foxborough. On était quatre boys. J'ai deux de mes grands-grands-chums, mon grand-chum d'enfance qui venait avec moi, puis deux autres amis, là, mon ami LP, puis son fils Simon, qui ont aussi embarqué dans l'aventure. Nous autres, par contre, ils ont acheté des billets sur le marché noir. Ils ont payé 525 $ 525 $, US. c'était parce que moi j'ai vu t'arranger sur les médias sociaux. Donc comment ça s'est passé? Y a-tu eu beaucoup quand même il était-tu bien loin de toi? Oui, en fait, lui était juste en face de moi. Lui était OK. section 320. Moi, mes billets de saison, je suis section 316. Ça, ce côté-là, ça a bien été. C'est sûr que c'est un match historique, comme que tu Ah disais ouais. à l'entrée. Petit aperçu, côté médiatique, 500 journalistes. 500, ouais, Ouais. 506, il y en avait eu à peine 200 pour le match d'ouverture, là, après un an de pandémie. Pas de partisans, seulement 200. Mais 200, c'est quand même beaucoup, là. Mais 506 journalistes ont demandé une accréditation pour un simple match du 3 octobre. Écoute, week 4, c'est assez incroyable. Effectivement. Mais donc, ça s'est passé. Le tailgate, est-ce que c'était, parce que c'était pas la première fois que tu allais au Pats, tu sentais-tu dès le départ, tu sentais-tu une fébrilité? Fébrilité, écoute, je l'ai vécu. Moi, comme je dis, ça fait 10 ans que je débute de saison. Ça fait 25 ans que je vais au stade à Foxborough. Puis, c'est la première fois que le samedi soir, je me promenais dans les alentours du stade. Le Patriot Place, c'est exceptionnel. C'est pas le resto, full bar, c'est vivant. Écoute, on le sentait déjà. Il y Il y avait avait le les Red MSO. Sox aussi qui étaient vraiment dans une lutte à finir pour une place en série. Ça a dû, ça, ça aussi, ça a dû Exactement. aider, là. Mais là, on était vraiment à Foxborough, qui est vraiment là, Ouais, c'était un qui est à football. 20 minutes de Boston pour les gens qui se posent des questions à peu près. C'est quoi 20 minutes à peu près? Bon, c'est ça, mettons à 25-30 minutes max, là, t'es de Ouais. Boston. C'est vraiment là, c'est un champ. Écoute, il y a Ouais. une rue qui mène à Foxborough. C'est vraiment là, quand tu sors de là, là, faut pas que tu sois pressé, c'est 1 heure et demie, 2 heures d'attente, là, pour pogner Moins pire l'autoroute. qu'à Buffalo. Je sais pas si t'as C'est déjà ça, été à bon, Buffalo, là, mais Buffalo, c'est ouais. épouvantable. Buffalo, c'est la plupart des temps. Écoute, tu sais, Danny, on parle de 70, 80, 100 000 quand on voit des bourses universitaires qui sortent en même temps, là. On capote, disons, quand on voit le Canadien avec 21 000, là, mais c'est 500 belles ou 400 belles. Tu sais, c'est quelque chose de gros. Écoute, il y en a qui viennent même juste tailgater, qui vont même pas au match. C'est quand même assez incroyable, là, comme événement. Par contre, il y a des endroits que c'est plus facile de sortir. Je me rappelle d'avoir été au MetLife Stadium au New Jersey. Le stade, il y a plein d'autoroutes autour, fait que ça sort vite, ça sort bien. Ça sort bien, mais un match des Giants, ça sort un peu moins bien. Plus de monde aux Jets. OK. Ce qui arrive à New York, que moi j'ai remarqué, j'étais là une couple de fois, tabarouette, le monde part de bonne heure. T'sais, ils veulent pas pogner le trafic, je sais pas Ouais. trop ce qu'ils font, mais ça quitte tous les matchs. Puis, t'sais, pour revenir au tailgate, aux Patriots, autre chose, là, t'sais, après un an et demi de pandémie, là, Esti, mon chum, je suis arrivé là, puis c'était comme avant. On a fait le tailgate, il n'y avait pas de masque, le monde il mangeait, le monde s'amusait, ça se lançait les ballons. L'entrée au stade, pas de mesure extrême. Tu sais, c'était vraiment là. Ouais. Écoute, c'était comme avant. Là, tu sais, 99% du temps, on n'avait pas l'impression qu'on était en pandémie. On était 68 000 dans le stade. Brady était là, les Bucks, les Pats qui ont donné un match aux Bucks. Tout le monde pensait que ça pouvait être un no-matcher. Finalement, on a eu une game jusqu'à la fin. Ouais, écoute, c'était un. Mais le spectacle était ordinaire, par exemple, hein, parce que je vais te dire que l'appui a dû jouer, en fait, Ah, il mouillait en tabarouette. là. Ouais. Ce que vous voyez à la télévision, c'était vraiment ça, là. Je peux te dire qu'on était trempé en tabarnouche. Non, c'était le fun. Puis, tu sais, quand on parle là, de fans, tantôt, disait que j'étais un des grands fans. Il y en a beaucoup, là. Tu sais, j'ai croisé un gars qui s'appelle Vincent là-bas, qui a des billets de saison depuis 2001, mon gars. Ah, Je monsieur. capotais. Lui, il a 4 billets de saison. Il était tout seul. Il a vendu 3 autres ça, sur StubHub. OK. Puis l'avion, tout seul comme un grand. Écoute, j'ai eu du fun avec ce gars-là. On s'est donné échange nos contacts. Puis, tu sais, j'ai même croisé. Connaissez-vous l'humoriste Maxime Martin? Oui, il était là, lui. Regardons Il ça. était là. Lui, en fait, histoire courte, si tu vas voir sur mes photos, là, il est posé avec moi. Il en a même parlé hier à son émission. Ils ont loué un hôtel. Les autres OK. ont volé le dimanche. Maxime Martin, ils étaient deux. Ils ont loué un hôtel à Patriot Place. Ils sont arrivés là. Chris, l'hôtel était réservé pour la semaine prochaine. Oui, monsieur. OK. Finalement, je leur ai donné un lift, puis on leur a trouvé un hôtel, puis on leur a donné un lift là, sur le retour, là, parce que là-bas, on avait loué un Winnebago, nous autres. OK. Fait que c'est tout que c'est. Fait que c'est. Mais c'est quelque chose de spécial, pareil, de vivre ça, là. C'est vraiment phénoménal. Dis-moi, est-ce que l'accueil, comment ça s'est senti, l'accueil pour Tom Brady? Tom Brady, écoute, c'est un match de football, là, fait que Ouais. c'est un peu comme au hockey, là, si Gretzky se fait échanger, t'enlèves pas ton goaler pour Non. donner 2 points en partant, là. Ouais. Écoute, au warm-up, moi, j'ai jamais vu ça, on est à peu près, je dirais, à 55-60% du stade pour le warm-up. D'habitude, c'est à peu près 5%. On est tout au tailgate jusqu'à la dernière minute. Quand il est arrivé sur le terrain, ovation debout, mon gars, et la foule s'est mise à scander son nom, là, ça fait Brady. Brady, écoute, j'en avais des frissons. Je t'en parle là, Danny, j'ai des frissons hein, à t'en jaser. Puis ça, c'était magique. On a gagné le coin toss. C'est nous autres qui recevaient le ballon, en fait. Puis à la première présence de Brady à la table, ça a été 68 000 personnes qui l'ont Mais à la hué. télévision, on a vu, ouais, ils l'ont hué, c'est ça, tu parlais pour Hué. dire, ils l'ont, Hué ouais. solidement, là. Tu sais, ça a Ouais. été comme. C'est pas vrai que tu vas arriver sur le terrain puis Mais ton Roger client Bulotte suit. me contait Gary Carter lorsque parce qu'on c'était sujet en fin de semaine avec le baseball, puis il disait que lorsque Gary Carter était de retour à Montréal, la première apparition chaudement applaudie, par la suite huée. Exactement. C'est à peu Tu près la sais, même, ouais. c'est un respect, tu sais, c'est un match que tu joues, là. Tu sais, Ouais. je pense que la majorité des fans des Pats, là, vont. Écoute, Tom Brady, là, Ah c'est The GOAT, là. non, Puis, ce qu'il a fait avec les Patriots, ce qu'il a fait avec les Bucks aussi, a amené quand même beaucoup de leadership, là. Ouais. avec les Bucks aussi, tu sais, le gars, c'est un leader. Il a tout le temps travaillé, tu sais. Il En a tout le temps fonction de pris l'équipe. moins d'argent pour être capable d'en donner à un receveur, à un mettons, left guard, peu importe, au center. Eux autres, il a fait comme un genre de partage. Il n'a jamais été Brady, Non, non. le corps arrière le plus payé de la ligue, jamais dans toute sa carrière, mais il est premier pour les passes. Il a 7 Super Bowl. Tu sais, il a tous les records que j'ai oublié, le nommez-les, puis. Ça finit pas. Mais cette game-là, je voulais pas manquer. Il y avait. Écoute, la seule manière, je pense, que j'aurais pas pu être là, c'est Chris. Je Ça suis a-t-il mort. été compliqué pour. Ça a-t-il été compliqué côté, je dirais, sanitaires, les mesures sanitaires? Non, mesure sanitaire. En fait, le voyage en tant que tel, là, c'est mon voyage peut-être le plus compliqué que j'ai organisé. Ouais. J'ai acheté mes billets d'avion. OK. Après ça, je suis parti à 8 heures le matin. Ils m'ont changé ça pour 1 h 30 l'après-midi. Fait que j'ai manqué mon match de UMass contre Toledo le samedi après-midi. 300 $ pour le maudit test PCR que moi j'ai fait directement à Dorval parce que je ne voulais pas me casser la tête. J'ai eu mon résultat en 1 heure. Mais tu sais, tu peux aller là, aux alentours de Dorval, il y en a à Laval, tout ça, le même test, ça aurait pu me coûter comme 150 $. Mais tu as le résultat en 24 heures, je n'avais pas le temps de faire ça. Fait que ça va bien. Dans les aéroports, autant à Montréal qu'à Boston, masque obligatoire, ça tu t'en tires pas. La preuve PCR que j'ai dû montrer 2, 3 fois à mon retour là, aux douanes, à l'agent, au gars qui rentre dans l'avion, au monsieur qui m'a accueilli dans l'avion, ça je l'ai montré 3 fois. Puis à Boston, oublie ça, là, tu sais, il n'y avait pas de. Ouais. On était au restaurant, là, tu sais, il n'y a pas de passeport vaccinal, il n'y a pas de push-push Purell à l'entrée. Écoute, ça, c'est. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas, là. J'étais où, j'ai peut-être pas remarqué, mais j'ai remarqué que personne n'avait de masque. Tu sais, on rentrait pas de masque. Les serveurs avaient des masques, mais les masques étaient à la hauteur de la gorge. Donc, tu sais, c'était pas mal la vraie vie, là. Ouais, effectivement. Hey, comment tu vis ça en tant que fan des Pats, ce qui se passe avec l'équipe? Moi, écoute, c'est une reconstruction, une victoire, trois défaites. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait pu aller pas loin une place wildcard en début de saison. C'est pas fini, c'est sûr. Sauf comment tu vis ça, toi, là? Écoute, après 20 ans de gloire, Ben ouais, c'est ça. 20 ans, Danny, là, Ouais. il y en a là, qui font même pas une série pendant 20 ans. Ok, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on aime ça gagner, c'est sûr qu'on aimerait toujours finir 16 ou 17-0 à cette heure. Mais écoute, je le prends un match à la fois. Puis je me dis qu'écoute, j'ai vu Mac Jones en fin de semaine. Notre ligne offensive, puis nos receveurs peuvent upgrader. Je pense qu'on est en de bonnes mains. Notre défensive est là. Notre Ouais. défensive, je suis très, très à l'aise avec. Mais à l'attaque, on fait pic-pic en tabarouette. Puis, c'est vraiment difficile d'avancer le ballon. On n'a pas de winning game. Mais tu sais, dans le temps, il sortait toujours un joueur que personne connaissait, personne. Puis là, ben, tu sais, qui devenait. Tu sais, les Amendola, les Wes Walker, qui étaient des joueurs vedettes, mais qui tu mettais un chandail des pattes, puis ils devenaient des bons joueurs. Cette magie-là. Mais ça, c'est un peu, là, Danny, là, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, là, mais La magie de Tom Brady. y a des gars comme Brown qui n'ont scoré 50-60 avec Mario Lemieux, là. Oh ouais, Puis, Warren Moon, puis. quand ils sont partis, eux autres, ils en scoraient 8. Oh ouais, c'est ça. Tu sais, quand Brady dit « Faites 9 pas à droite, cligne les yeux, puis le ballon est là, puis le ballon est là. » C'est direct, il est direct là, là. Tu sais, même le dernier match, il n'a pas eu de toucher, là. Mais la passe en fin de match qu'il a faite à Antonio Brown dans le end zone, là. Oh ouais. Manteau. Hey, il pognait ça, c'est un touchdown, là. T'sais, la passe, est là, tout est là, là. Penses-tu que c'est la. J'ai entendu un podcast en fin de semaine. Penses-tu que c'est la dernière année de Bill Belichick avec les Pats? Ouf, difficile comme question. Je pense que ça l'achève. Je pense que le gars, il a encore le goût. Mais je ne sais pas si ça va être avec les Pats pour s'il veut finir sa carrière. Ben là, il est à quoi? 60 victoires de 60, 70 victoires de Don Chulo? C'est quand même plusieurs années là, avec le club qu'on a présentement. Là, si on en gagne 7 par année, il faut encore coach 10 Ouais, c'est ça. ans. C'est sûr, c'est sûr. Quand tu en enfiles 13-14, 13-14, ça va vite, c'est 3-4 ans, mais à 6-7-8, 6-7-8. T'sais, son filet à 4-13 cette année, là, ça veut dire qu'il va en avoir 13 victoires. Il va en manquer encore 64, Ah non, 63. c'est sûr, c'est sûr, c'est Il sûr. faudrait qu'il change d'équipe parce que les acquisitions qu'il a faites cette année à l'offensive, après 4 semaines, Ouais. sont décourageantes, mon gars, là, ça n'a aucun bon sens. Mais rappelle-toi, on disait que c'était des bonnes acquisitions, que c'était Entièrement d'accord. Moi, j'étais vraiment là, surtout les deux tight ends, là, Ouais. vraiment content de ces deux acquisitions-là. Mais pour le reste, il est tabarouette. Mais il y a Judon, tu sais, un défensif, là, Matt Judon, là, il est incroyable. Mais à l'attaque, non, ça fait pic-pic en tabarouette. Ouais. Martin, merci beaucoup. On va peut-être avoir l'occasion de se parler un autre tantôt, fait que de Excellent. nous avoir Prochain. compté sur cette soirée historique à Foxborough. Le plaisir, puis mon prochain trip, mais je m'en vais voir les Bucks contre les Ghosts. Je passe un road trip là, d'une dizaine de jours, là, du 14 octobre au 25 octobre. Eh, monsieur, Je pour avoir parlé cherche avec toi, mes photos passées. c'est cet argent-là que tu mets. Toi, tu mets ça dans un trip, là. Pour avoir déjà parlé avec toi, c'était Regarde, ça, hein? c'est ça. Moi, je fume pas. Moi, je bois pas. As-tu une blonde? Mon char, c'est une jeune femme. Mon char, c'est un Hyundai Accent 2015, pas d'air climatisé. Ça coûte 8 piastres de gaz par semaine. Fait que, Ouais. c'est une question de choix à un moment donné, là. Moi, je ne vois pas vraiment. Oui, j'ai déjà été, mais je ne suis pas le style de gars à partir 2 semaines à Punta Cana, ça me coûte 1 000 piastres. Ouais. À un moment donné, là, je te donne 100 piastres l'année, tu vas le dépenser. Moi, j'en ai 100, je le dépense, mais on ne va juste pas le dépenser. On va le dépenser Exactement. différemment. Exactement. Martin, Yes, ça, mon boy! merci beaucoup, on se reparle bientôt. Au Ton ami plaisir, t'es Martin Massé qui allé. était à la soirée historique de Tom Brady.